Section 76 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 17, troisième partie. Lutte contre les Turcs, par Alexandro Dimitrié Xénopol. La Valachie, étant plus rapprochée des Turcs que la Moldavie, entra bien plus tôt en lutte avec eux, dès le temps de Mircea le Grand, 1386-1418, tandis que la seconde n'eut à soutenir leur choc que sous le règne d'Étienne le Grand, 1457-1504. Ces deux princes, les seuls auxquels la postérité ait accordé le titre de grand dans la longue série des princes des deux pays, l'obtinrent précisément à cause de l'énergie de leur résistance aux infidèles. Valachie, Mircea le Grand. C'est en 1363 que les Turcs battent pour la première fois les armées réunies des chrétiens, serbes, bosniaques, hongrois, roumains de la Valachie sous Alexandre Bassaraba, à Sirf-Sindougi, défaite à la suite de laquelle les Serbes et les Bulgares furent soumis aux tribus. Mircea, montant sur le trône de Valachie en 1386, voit son pays en péril des deux côtés. Par la Hongrie, qui voulait renouveler ses prétentions sur la Valachie, par les Turcs, qui s'approchaient toujours plus menaçants. Mircea, de son côté, s'était rapproché de ceux-ci, conquérant les villes du Danube, Sistova, Silistrie, Vidine. Pour paralyser l'inimitié des Hongrois, il s'allia au roi de Pologne, Vladislav Jagellon. Pour résister aux Turcs, il entra dans une nouvelle coalition formée entre les peuples déjà soumis par les Turcs, envoya des secours à Lazare de Serbie, et pour occuper aussi en Asie Mourad Ier, poussa à la révolte les émirs de l'Anatolie. Mais, après la bataille de Kosovo, 1389, Mircea, dépourvu d'armée, est attaqué par les Turcs en Valachie même, battu, fait prisonnier, exilé à Brousse. Il n'est libéré qu'à la condition de se soumettre aussi aux tribus, 1391. Le tribut ne s'élevait d'ailleurs qu'à 500 piastres d'argent, environ 25 000 francs. Le prince conservait le droit de vie et de mort sur ses sujets, le droit de paix et de guerre. Il ne devait s'établir en Valachie ni turc ni mosquée. Rentré dans son pays, Mircea trouva les dispositions du roi Sigismond de Hongrie complètement changées à son égard. Ce prince recherchait son alliance contre les Turcs, dont les progrès l'avaient effrayé. Un traité d'alliance, sur le pied d'une parfaite égalité, fut conclu entre les deux souverains, 1395. Il n'y était plus question d'aucune relation de vassalage entre la Valachie et la Hongrie. Cette coalition aboutit au désastre de Nicopolis, 1396. Retourné dans son pays, Mircea ne devait pas tarder à y être de nouveau attaqué par les Turcs. Cette fois, ayant sous la main son armée entière, il inflige à Bayezid une déroute complète dans la plaine de Rovine en 1396. Les Turcs se replient vers le Danube qu'ils réussissent à passer, non sans de grandes pertes, et le sultan court jusqu'à Andrinople. Le tribut n'est plus payé. Après la bataille d'Angora et la mort de Bayezid, 1403, Mircea est appelé à intervenir dans les guerres civiles entre les quatre fils de ce sultan. Il fournit des troupes à Moussa contre Suleiman, qui est battu et tué. Mircea est largement récompensé par le nouveau maître de l'Europe musulmane. Mais ensuite, Mohamed attaque Mouzza, le bat et le tue, malgré les secours réitérés dont l'assiste Mircea. Le prince roumain, voyant l'empire ottoman réuni en entier sous la main de Mohamed Ier, offre au sultan de renouveler l'acte de soumission qu'il avait déjà conclu une fois avec son père lors de son exil à Brousse. Le sultan reçoit avec plaisir l'offre de Mircea, traite ses ambassadeurs avec distinction et délivre au prince de la Valachie un Hatti-Shérif, par lequel il reconnaît à ce pays une autonomie pleine et entière, avec l'unique obligation pour Mircea et ses successeurs de payer un don de 3000 ducats et de garder fidélité au sultan. 1411. Mircea regrette bientôt sa démarche. Il profite des nouveaux troubles qui éclatent dans l'Empire ottoman, provoqués par un nouveau prétendant, Mustapha, et prête son appui à ce dernier, quoique ses chances de réussite fussent très problématiques. Cette circonstance ne fait que mieux prouver la passion que mettait Mircea à secouer le joug des Ottomans. Mohamed Ier, pour le punir, mit la main sur deux forteresses de Djurdjou, Djurdjevo, et de Tourdou-Severinou, d'où il pouvait infester la Valachie lorsque bon lui semblerait. Mircea meurt, 1418, le cœur brisé, n'ayant pu, malgré les efforts de sa vie entière, malgré son habile politique de bascule entre les Hongrois et les Turcs, préserver son pays de la conquête étrangère. Les successeurs de Mircea ne lui ressemblèrent nullement. Comme ce prince était arrivé au trône en tuant son frère Dan, une lutte à mort prit naissance entre les héritiers de Mircea et ceux de Dan, lutte soutenue avec le secours des Hongrois d'une part, des Turcs de l'autre. Le seul Vlad III le Diable, père du fameux prince de même nom, se distingua par une politique astucieuse qui lui permit de conserver son trône malgré la lutte engagée alors entre les Hongrois et les Turcs et la défaite des premiers à Varna, 1444. Le résultat de ces dissensions intérieures fut qu'à l'avènement de Vlad IV, 1456, la Valachie était complètement retombée sous le joug des Hongrois et donnait aux Turcs, en dehors d'un tribut de 12 000 ducats, un autre bien plus douloureux, 500 enfants par an pour le corps des janissaires. Dans cette période de résistance à l'invasion turque, la grandeur de la race roumaine s'incarne aussi. Dans Jean Uniade, apparenté à la famille régnante de Valachie, les Bassarabas. Vlad l'Empaleur. Uniade et Skanderbeg disparus, un autre combattant se lève à leur place pour continuer la lutte. Ce fut Vlad, prince de Valachie, de 1456 à 1462, surnommé par les Hongrois le Diable, Dracul, par les Valaques le Bourreau, par les Turcs l'Empaleur. Ce prince, dont la tradition a fait une sorte de bête sauvage inassouvie de sang, ne mérite pas une réputation aussi noire. Sans doute, il était très cruel, et son esprit d'invention en matière de supplice n'avait pas de borne. Ses cruautés s'accompagnèrent toujours d'une nuance d'ironie féroce. Elles avaient cependant un but. Il employait ses moyens atroces pour réprimer deux sortes de méfaits. Les intrigues des boyards, qui trouvaient leur compte dans les rapides changements de prince, auxquels les avaient habitués les troubles qui suivirent la mort de Mircea, et le brigandage, qui avait pris à la faveur de ces troubles une extension extraordinaire. Après avoir fait périr plus de 20 000 hommes, il rétablit complètement l'ordre dans le pays, puis il entreprit de le soustraire à l'ignominieux tribut de 500 enfants auxquels il avait trouvé la Valachie soumise. Pour assurer sa position dans la lutte qu'il allait affronter contre un adversaire tel que Mohamed le Conquérant, il prête son appui à Étienne IV pour monter sur le trône de Moldavie et épouse une parente du roi de Hongrie, Matthias Corvin. Mohamed II envoie un grec, Katobolinos, suivi d'un corps de 2000 Turcs sous Hamza Pacha, avec mission de surprendre Vlad, de le déposer et de le remplacer par son frère, Radou le Beau. Ce fut Vlad qui les surprit. Il les fit tous empaler, le Pacha, par honneur, sur un pal plus élevé. Le sultan lui envoie 3 ambassadeurs. Comme ces musulmans, alléguant leur coutume, refusent de se découvrir devant lui, il leur fait clouer leur turban sur la tête. Mohamed II se décide alors à marcher en personne avec un corps d'armée de 60 000 hommes, évalué par certains auteurs à 250 000 hommes. Quand le sultan approche de Bucarest, il arrive dans une vallée hérissée sur une demi-lieue de long de 2000 pales, portant encore les carcasses des Turcs suppliciés dans lesquelles les oiseaux avaient fait leur nid. Le sultan fut comme émerveillé de cette férocité. Il dit « Comment dépouiller de ses états un homme qui ne répugne pas à de tels moyens pour les sauver ? Cependant, s'il y a de la grandeur dans de pareils actes, l'homme qui les commet ne mérite pas d'estime. » Il ne fut pas moins étonné de voir la fidélité que les soldats de Vlad lui gardaient. L'un des prisonniers, qu'on mit à la torture pour lui faire avouer la retraite du prince, répondit simplement « Je sais mourir et me taire ». Le grand vizir dit alors « Si Vlad avait une armée d'hommes pareils, il acquerrait bientôt une gloire immense ». Cependant, Vlad, renouvelant la tactique de Mircea, suivait les Turcs sur la lisière des forêts, les harcelant sans relâche. Comme il connaissait très bien la langue turque, il entreprend un jour d'espionner en personne, caché sous un déguisement, le camp fortifié des Turcs. Le lendemain, à la nuit, il entre dans ce camp avec une troupe déguisée comme lui, résolu à tuer le sultan dans sa tente. L'obscurité lui fait prendre pour la tente de Mohammed celle d'un pacha qui est tué. Les Turcs, mis en émoi par le meurtre, qu'on crut commis par un des leurs, commencent à s'entretuer. Le massacre s'étend toujours davantage, se continuant jusqu'au jour. Vlad, qui à la faveur du désordre a pu s'échapper du camp, tombe le lendemain avec son armée sur les Turcs ahuris et en fait un carnage épouvantable. Mohammed II prend la fuite, passe le Danube et ne s'arrête qu'à Andrinople, où il s'efforce de cacher sa honte sous des semblants de victoire. Le coup dont Vlad fut renversé devait venir d'ailleurs. Moldavie, Étienne le Grand. Pierre Aron, le meurtrier du père d'Étienne, ayant été renversé par ce dernier avec l'aide de Vlad l'Empaleur, Étienne IV, dit le Grand, 1457-1504, força les Polonais à ne plus prêter assistance à son rival, qui alors chercha une protection plus efficace en Hongrie. Étienne, après avoir reconnu la suzeraineté de la Pologne pour ne pas laisser d'ennemis sur ses derrières, attaqua immédiatement la Transylvanie, exigeant qu'on lui livrât son rival. Il savait que le roi de Hongrie, alors occupé en Bohême, ne pouvait lui opposer de résistance. Étienne ne réussit pas à mettre la main sur son adversaire. De retour dans son pays, il attaqua la ville de Kilia, qui appartenait en commun aux Hongrois et aux Valaques. Par cette attaque, Étienne commettait la faute de se mettre en inimitié avec Vlad. Il en commit une autre en le chassant du trône, quand il aurait dû, au contraire, cultiver l'amitié de celui qui lui avait aidé à obtenir le sien, et qui, par sa victoire sur les Turcs, était indiqué d'avance comme son allié naturel. Les Turcs, la Valachie une fois soumise, n'allaient pas manquer de s'abattre sur la Moldavie. Vlad, réfugié en Hongrie auprès du roi Mathias, avait été remplacé en Valachie par son frère, Radou le Beau, Rodolphe III, un mignon du sultan, l'homme des Turcs. Étienne, qui n'avait pu prendre Kilia du temps de Vlad, renouvelle l'attaque de cette ville en 1465 et, à la suite d'une entente secrète avec ses habitants, réussit à l'obtenir. Comme son entreprise pouvait avoir de graves conséquences, Étienne s'excuse auprès du sultan et le prie de ne point se fâcher pour la prise de Kilia, car, ayant l'intention de se soumettre aux Turcs, peu leur importait qui de leurs deux sujets posséderait cette ville. Étienne avait ses raisons pour tâcher d'apaiser les Turcs. Le roi Mathias se préparait à prendre sa revanche et à venger la dévastation de sa province. Mathias entra en Moldavie avec Pierre Aron dans les rangs de son armée pour le remettre sur le trône de ce pays. Mais il fut complètement battu à Baïa et s'enfuit blessé dans son pays. Étienne passa de nouveau en Transylvanie, mit la main sur Pierre Aron et lui fit trancher la tête. Le roi de Hongrie, pour échapper au danger qui le menaçait, cède à Étienne deux forteresses, Csitehő et Csetatea de Balta. Vers la même époque, Étienne repousse une invasion des Tatars et fait prisonnier Karzik, fils du khan Maniak. Ce dernier, ayant envoyé une ambassade de 100 personnes pour redemander avec arrogance son fils, Étienne fait trancher la tête à Karzik et à 99 de ses ambassadeurs. Il renvoie le dernier, le nez et les oreilles coupés, rapporter au khan le résultat de sa mission. Peu après, en 1470, Étienne attaque de nouveau la Valachie, mais cette fois avec l'intention de détrôner son prince, ce qui était provoquer les plus terribles ennemis du non-chrétien. Après avoir abattu Radou le Beau à Sotchi, et à Coursou la paye, Étienne le chasse de la principauté et établit à sa place un boyard valaque de la famille des Dan, Lajos Bassarabas. Celui-ci s'empresse d'embrasser le parti de celui qui paraissait le plus fort dans la lutte qui éclata bientôt entre les Turcs et les Moldaves. Cette démarche téméraire d'Étienne ne saurait s'expliquer que par son caractère belliqueux et entreprenant, qui ne reculait devant rien et dont les entreprises avaient été couronnées jusqu'alors par de si éclatants succès. Il avait intimidé les Polonais, battu les Hongrois, les Valaques et les Tatars. Pourquoi ne battrait-il pas aussi les Turcs? Ses premiers faits, à commencer par l'agression contre Vlad et le cruel traitement infligé aux Tatars, qui l'irritait sans profit contre lui, nous montre qu'Étienne suivait, dans ses premières années, plutôt la voie des passions que celle de la raison. Son génie futur se manifestait d'abord par sa fougue. Il ne trouva son équilibre que plus tard, lorsque l'âge mûr lui apporta, avec le calme du raisonnement, les leçons de l'expérience. Sachant bien qu'il serait attaqué par les Turcs, il se préparait à chercher des alliés, lorsqu'une ambassade assez inattendue vint le trouver à Suceava, sa capitale. Les Vénitiens, qui étaient en guerre avec les Turcs, ayant envoyé Paul Omenbonum en mission près du roi de Perse, Uzun Hassan, celui-ci chargea l'ambassadeur vénitien, à son retour en Europe, de passer à la cour du prince de Moldavie et de lui remettre une lettre par laquelle il priait Étienne de prendre l'initiative d'une coalition chrétienne contre les Turcs. Étienne saisit l'occasion pour charger à son tour Omenbonum d'une requête pour le pape, le priant d'organiser avec lui une sainte ligue contre les Ottomans, afin que nous ne soyons pas seuls à lutter contre eux. Mais Omenbonum n'était encore arrivé qu'à Braila, que déjà une armée ottomane, forte de 120 000 hommes, sans compter le contingent de Lajos Bassarabas, inondait la Moldavie sous la conduite de Soliman Pacha. Étienne n'avait que 40 000 Moldaves aidés de 5 000 éclairs, dont 1 800 seulement envoyés par le roi de Hongrie, le reste recruté en Transylvanie comme mercenaires, plus 2 000 Polonais envoyés par le roi Casimir IV. Cependant, par un heureux stratagème de guerre, il battit les Turcs le 14 janvier 1475 à Rakova, près de la rivière de Berlad. Il leur tua plus de 20 000 hommes, prit 100 drapeaux, 4 pachas à une infinité de prisonniers tombèrent entre ses mains. Ce qui restait des vaincus n'arriva même pas jusqu'au Danube. Poursuivis par les Moldaves, ils furent en grande partie massacrés dans leur fuite. Étienne célébra sa victoire en faisant bâtir une église, en prescrivant un jeûne de 40 jours et en faisant empaler les prisonniers. Cette victoire était un fait d'armes sans exemple jusqu'alors dans les luttes entre les Turcs et les chrétiens. C'était la première fois que les Turcs perdaient une bataille rangée de cette importance, et encore contre de simples paysans armés de faux, de haches et d'épieux. Ils sentaient bien que leur prestige était atteint. De tous côtés s'élevaient les actions de grâce pour le triomphe de la cause chrétienne. Le pays et le Sénat de Venise, qui apprirent la nouvelle de cette éclatante victoire de la bouche de Paul Omenbonum, s'empressèrent de féliciter Étienne. Sixte IV le salua du nom d'athlète du Christ. Duglost, le célèbre historien polonais, s'écriait « Ô homme incomparable, en rien inférieur au héros que nous admirons, toi qui, de nos temps, le premier entre les princes du monde, remporta une victoire éclatante contre les Turcs, tu es, à mes yeux, le plus digne d'être placé à la tête d'une coalition de l'Europe chrétienne contre les Turcs. » Dans ce concert de louanges résonnait pourtant une note discordante, celle de la Hongrie, qui ne voulait pas laisser monter trop haut son prétendu vassal, et qui ne pouvait oublier la défaite de Baïa et la cession des deux forteresses de Transylvanie. Aussi, les historiens hongrois prennent-ils plutôt le parti des Turcs pour atténuer la défaite de ces derniers. Le roi Matthias fit plus. Se donnant au pape comme le suzerain du prince de Moldavie, il obtint du Saint-Siège un subside important pour soutenir la guerre contre les Turcs, mais l'employa tout entier dans l'intérêt particulier de son état. Étienne, pensant avoir acquis un titre à la reconnaissance du monde chrétien et le droit d'être secouru, en fait la demande à la Hongrie, ainsi qu'à tous les pays auxquels parviendrait sa requête. Il envoie en même temps une mission spéciale au pape et à Venise, pour que ces deux puissances l'aident de leur subside. Venise s'excuse de ne pouvoir le faire pour l'instant. Le pape déclare aux ambassadeurs d'Étienne qu'il a remis l'argent au roi Matthias, le suzerain de leur prince. Ces ambassadeurs, deux prêtres catholiques de Moldavie qu'Étienne avait reçus dans son conseil, précisément pour s'attirer les bonnes grâces du pape, protestent contre la qualité de vassal donnée à leur prince et donnent à entendre au Sénat de Venise que, dans le cas où leur maître ne serait pas secouru, il ferait la paix avec les infidèles et s'allierait même à eux contre les chrétiens. Le Sénat vénitien, effrayé de cette perspective, envoie auprès d'Étienne un ambassadeur spécial, Emmanuel Gérardo, chargé de suivre Étienne pas à pas, de soutenir son ardeur par de belles paroles et de l'empêcher à tout prix de s'accorder avec le sultan. Les fins diplomates de Venise avaient parfaitement compris le caractère d'Étienne, enclin à écouter avec plaisir les louanges, que d'ailleurs il méritait, prompt à s'enflammer aux belles paroles dont l'envoyé vénitien n'était guère avare, aimant tellement l'indépendance qu'il se serait plutôt fait briser que de se soumettre. Les Turcs, décidés à venger leur défaite, envahissent de nouveau la Moldavie, avec une armée encore plus forte, augmentée comme la première fois des troupes de l'Aïot Bassaraba et des Tatars, qui allaient envahir la Moldavie au moment même où les Turcs passeraient le Danube. Comme chez le pape et à Venise, partout où il alla demander secours, Étienne trouva les portes fermées. La Pologne et la Hongrie craignaient pour leurs prétentions à la suprématie sur la Moldavie, si Étienne parvenait à battre une seconde fois les Turcs. Le prince moldave n'en est pas moins décidé à résister. Il voulait s'opposer au passage du Danube, mais les paysans de son armée, effrayés pour leur foyer de l'invasion des Tatars, demandent à Étienne un congé pour aller mettre leur famille en sûreté. Ils ne reviennent plus. Étienne, resté seulement avec sa cavalerie au nombre de 10 000 hommes, Curteni et Calarache, abandonne la défense du fleuve et, après avoir dévasté son propre pays pour enlever aux Turcs tout moyen de subsister, il se retire dans une forêt du nord de la Moldavie, à Rasboeni, dont il change une clairière en forteresse improvisée. Les Turcs le poursuivent, arrivent à découvrir la retraite des Moldaves et, après plusieurs assauts acharnés, parviennent à les en déloger. 1476. Étienne était vaincu mais non découragé. Il passe en Pologne, où il réunit bientôt une nouvelle armée, avec laquelle il entreprend, contre les Turcs, décimés par la famine et la maladie, une campagne opiniâtre. Elle finit, comme la première fois, avec leur complète ruine. Arrivé près du Danube, Étienne les attaque avec furie, les rompt et jette leurs débris dans le fleuve. Profitant de sa victoire, il passe la même année en Valachie, détrône l'infidèle Lajos Bassaraba et le remplace par Vlad l'Empaleur, qui vivait à la cour du roi Matthias Corvin. Mais Vlad meurt après quelques mois seulement de règne, en 1477. Bayezid II, voyant qu'il ne pouvait venir à bout du prince moldave par une attaque directe, se décide à employer le système qui avait déjà réussi aux Turcs avec Mircea le Grand. Il veut mettre la main sur les forteresses du bas Danube. Il enlève Kilia et Cetatea Alba à Kerman, qui étaient en même temps les deux grands ports de la Moldavie. 1484. Étienne fait l'impossible pour les sauver, mais tant d'invasions successives avaient presque complètement ruiné le pays. Étienne avait, presque tous les ans, à repousser les invasions des Turcs, appuyé sur les places qu'il venait de conquérir. Pour pouvoir les en chasser, il se décida à faire au roi Casimir de Pologne l'hommage personnel, ce qu'il avait constamment évité jusqu'alors. Au moment où Étienne mettait un genou en terre devant le roi, les parois de la tente tombèrent, et il fut exposé dans cette posture humiliante au regard de l'armée entière. Comme prix de ce sacrifice, il n'obtient qu'un secours dérisoire de 4 000 hommes, tout à fait insuffisant pour la reprise de ses forteresses. Le successeur de Casimir, Jean Ier Albert, 1492-1501, peu de temps après être monté sur le trône, s'entend avec le successeur de Matthias Corvin, Vladislav, pour renverser Étienne et partager son pays. Albert envahit la Moldavie, mais Étienne, qui avait à venger contre les Polonais tant d'abandon, d'humiliation et de trahison, les attaque au moment où ils traversaient la forêt de Gosmin, renverse sur eux les arbres à demi coupés d'avance et détruit complètement leur armée. 1497. Il oblige ses prisonniers à tirer la charrue. On sème des glands dans les sillons. De là naîtra la forêt rouge. Il poursuit les vaincus jusqu'à près de Love, Lemberg, mettant tout le pays à feu et à sang, enlevant 100 000 captifs. Le roi lui propose la paix. Dans le traité disparaît toute trace de vassalité. 1499. Pour Étienne, la grande pensée de sa vie avait été la lutte contre les Turcs. Les princes de l'Occident l'avaient abandonné à son sort, l'avaient attaqué par derrière pendant qu'il faisait face à l'ennemi commun. Il se tourne du côté du Nord, espérant y trouver un concours plus empressé pour la formation d'une ligue anti-ottomane. Pour y réussir, il fallait mettre d'accord les Tatars avec les Russes, et ceux-ci avec les Lituaniens. Au moment même où il croyait avoir réussi, une intrigue ourdit à la cour du grand prince de Moscou, Ivan le Grand, dont un fils avait épousé une fille d'Étienne, compromis l'alliance de la Moldavie avec Moscou. Les efforts d'Étienne restent donc infructueux aussi dans cette direction. Le prince de Moldavie avait 71 ans. Il était épuisé de force. Une blessure qu'il avait reçue au siège de Kilia en 1462 et qu'il n'avait jamais eu le temps de soigner se gangréna. Si près de la mort, il conseilla à son fils et successeur Bogdan, vu l'abandon où l'avaient laissé les princes chrétiens et leur insigne mauvaise foi, de faire sa soumission aux Turcs. 1504. Il savait bien qu'avec lui périssait le seul bras qui eût pu sauver l'indépendance. Bogdan envoie, en 1513, un siècle après la soumission de la Valachie, le logothète Tautou à Constantinople, offrir de son plein gré la reconnaissance de la suzeraineté ottomane. De nos jours, les Moldaves ont élevé à Iași, ancienne capitale de la Moldavie, une statue à Étienne le Grand, un des chefs-d'œuvre du statuaire français Frémiette. Ils ont eu raison, car Étienne a été l'incarnation la plus haute de leur nationalité. Les deux États roumains étaient tombés sous la domination des Turcs. Ils avaient été engloutis, après une énergique résistance, comme l'avaient été la Serbie, la Bulgarie, l'Empire byzantin, l'Albanie. Le tour de la Hongrie allait venir bientôt. Mais dans ces luttes, les Turcs avaient usé la jeunesse de leur empire et leur premier élan. Lorsqu'ils arrivèrent devant Vienne, en 1529, le nerf de leur puissance était affaibli. Ils ne purent jamais dépasser les limites de ce suprême effort. Si donc la civilisation occidentale échappa à la mort, ou au moins à l'éclipse dont la menaçait le croissant, elle en fut redevable à ses peuples chrétiens de l'Orient, et notamment aux Roumains. Fin de la section 76.